Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un fleuron de l'industrie française qui s'est obstiné à faire fonctionner sa cimenterie en Syrie, coûte que coûte, jusqu'en 2014, et malgré le contexte politique, c'est le groupe Lafarge. Malgré la guerre civile, l'embargo sur le pétrole syrien, le racket de groupes armés en tout genre et l'instauration de l'État islamique, Lafarge se maintient en Syrie, alors que tous les autres groupes français ont plié bagage. Alors, Lafarge ne voulait-il pas abandonner une nouvelle usine à 700 millions d'euros? Les dirigeants estimaient-ils que la guerre n'allait pas durer? Et puis, maintenir une cimenterie dans un pays en guerre, c'est s'assurer une position de force lorsque viendra l'heure de la reconstruction. Cette histoire, c'est celle du capitalisme finalement, et de la mondialisation, évidemment. Mais c'est aussi le récit d'une énorme erreur d'appréciation et d'un entêtement. Comment en effet se fournir en pétrole lorsqu'il est sous embargo? Jusqu'où peut-on pousser sa relation avec un groupe terroriste, Daesh en l'occurrence? À ces questions, nous ne donnerons aujourd'hui que des éléments de réponse, vu que l'instruction de cette affaire est en cours. Ce récit, celui que vous allez entendre, est basé sur les déclarations des cadres de l'entreprise Lafarge aux enquêteurs français et sur leurs échanges de mails révélés dans la presse. Nos invités aujourd'hui, Ismaël Alissat, journaliste, il a couvert cette affaire pour le journal Libération, notre partenaire, et Benoît Colomba, journaliste au sein de la cellule Investigation de Radio France, qui a consacré un numéro de l'émission Secret d'Info à cette affaire Lafarge. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Damas, 19 février 2010. Le tapis rouge est déroulé. La fanfare est en place. Tout est prêt pour l'accueil de François Fillon. Les premières notes de la Marseillaise retentissent comme un air de retrouvailles. Cela faisait en effet 33 ans que la Syrie n'avait pas reçu un premier ministre français. Les autorités syriennes ont prévu pour François Fillon une visite des joyaux de la capitale, la mosquée des Omeyyades, le souk Al-Amidiya, le tombeau de Saladin. Un beau programme, à l'image de l'accueil réservé par la France à Bachar al-Assad en juillet 2008. Cet été-là, le président syrien réintègre la liste des chefs d'État fréquentables devant les caméras du monde entier. Nicolas Sarkozy veut oublier tous les dossiers noirs qui sont imputés au dictateur, la répression des opposants politiques et des journalistes, l'implication de la Syrie dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri et le rapprochement avec l'Iran et donc le soutien au Hezbollah. Ça fait beaucoup, mais bon, l'heure est venue de construire la paix autour d'un projet, l'Union pour la Méditerranée. Le président français reçoit donc le numéro 1 syrien en grande pompe. Nicolas Sarkozy descend même les marches du perron de l'Élysée pour accueillir son homologue dans la cour du palais. Une marque d'estime dans le protocole. Et puis ça change de l'autre fâcheux, le Libyen Kadhafi, qui 6 mois plus tôt avait installé une tente dans les jardins de l'Élysée. Le 13 juillet, le président syrien participe aux 20h de France 2 et répond avec calme à toutes les questions de Laurent Delahousse. Il accepte même de prononcer quelques mots en français. C'est un peu difficile pour moi de parler en français. Il y a longtemps quand j'ai parlé en français. Excusez-moi, je vais parler en arabe, si vous permettez. Bien sûr. Bien évidemment, je vais être présent au défilé militaire. Je suis invité par Monsieur le Président Sarkozy. Et demain, et je serai fier d'être avec les autres hôtes de la France sur la tribune de la défilée. Le lendemain donc, Bachar al-Assad admire de la tribune les alfajets de la patrouille de France qui répandent dans le ciel les couleurs du drapeau tricolore. S'ensuit le défilé du 14 juillet. Polytechniciens, légions étrangères, pompiers, rien ne manque. Mais dans la foule, la présence du dictateur syrien fait débat. Des militants de Reporters sans frontières sont même interpellés pour avoir brandi des portraits de journalistes emprisonnés en Syrie. Pour les autorités françaises, l'heure n'est pas à la polémique. Au contraire, c'est le début d'une lune de miel avec la Syrie. Les deux pays comptent avancer sur plusieurs dossiers géopolitiques, mais également économiques. Lorsque François Fillon pose ses valises en Syrie au mois de février 2010, il amène avec lui une trentaine de chefs d'entreprise et sa feuille de route. La France souhaite aujourd'hui créer avec la Syrie les conditions d'un partenariat durable et constructif. C'est une nécessité économique, naturellement, c'est une nécessité culturelle, mais c'est aussi et surtout une nécessité géopolitique. Il arrive que des VRP reviennent de tourner bredouille. C'est le cas ici. Aucun contrat n'est signé. Une franche réussite. Pourtant, le Premier ministre français peut avoir un motif de satisfaction. Dans le nord de la Syrie, un grand groupe industriel français est en train de bâtir la plus grande cimenterie du Moyen-Orient. Ce groupe français, c'est Lafarge, l'un des fleurons de l'industrie française, également leader mondial du ciment. Au nord du pays, entre les montagnes d'Anatolie et l'Euphrate, près de la frontière turque, des centaines d'ouvriers chinois casques de rouge s'activent pour achever le chantier pharaonique de l'usine de Jalabiya. Lafarge peut voir l'avenir sereinement. Elle va bientôt disposer de la seule cimenterie privée en Syrie et d'une avance technologique considérable. Le marché syrien s'annonçait Eldorado. Il deviendra bourbier. Lafarge, c'est une réussite à la française, certes moins glamour que L'Oréal ou LVMH, elle en compense. D'où cette pub de 1996, histoire de faire rêver les foules. Moi, quand je serai grand, j'aimerais bien habiter dans une île, mais il faudrait un pont. Lafarge, les matériaux tous les possibles. Et puis ma maison, elle serait la plus belle, avec un grand jardin sur le toit. Pour l'imperméabilisation des bétons, prévoir micro-mortier hydraulique projeté. Comme ça, les enfants pourront faire du vélo. Lafarge, les matériaux pour construire le monde. Voilà pour la com, passons à l'info. Avant de construire le monde, l'entreprise Lafarge était une toute petite affaire familiale. En quelques décennies, elle est devenue une dynastie industrielle. Et ça ne date pas d'hier. En 1833, Joseph-Auguste Pavin de Lafarge reprend la carrière de pierre à chaux du village du Teil, en Ardèche. Une affaire de famille depuis 1749, mais lui va contribuer à son développement en lançant une production à grande échelle. Ce sont surtout ses deux enfants, Édouard, un vendeur hors pair, et son frère Léon, ingénieur, qui vont propulser la petite entreprise dans une nouvelle dimension. Devenu Lafarge Frères en 1848, la société dispose d'un calcaire d'une pureté exceptionnelle et jouit d'une situation géographique stratégique à proximité du Rhône et de la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille. Bref, tous les éléments sont réunis pour prospérer. Alors, patiemment, comme on construit une maison ou un pont, les deux frères développent leur activité. Et en 1864, après 30 ans de labeur et d'innovation, une commande vient les récompenser. 110 000 tonnes de chaux pour la construction du canal de Suez. De quoi fournir du travail à plus d'un millier d'ouvriers. Pour tous les loger à proximité des carrières et des fours, les Lafarge font construire une immense cité ouvrière en 1880. Chaque famille dispose d'un rez-de-chaussée sur cave, d'un étage et d'un grenier. Les Lafarge, catholiques et paternalistes, prennent soin de leurs ouvriers. Ils font même figure de précurseurs en instaurant une caisse de retraite et en proposant des soins et des médicaments gratuits. La méthode est payante. Après plus d'un siècle d'existence, l'entreprise exporte sur tous les continents via le Rhône et le port de Marseille. Bref, une maison bien tenue, une affaire qui roule. Mais voilà que la guerre arrive. Lafarge est le leader français du ciment avec 12 usines. La guerre. Et alors? On continue. Business is business, quitte à collaborer avec l'occupant nazi. Cet épisode peu glorieux est rappelé dans l'émission Complément d'enquête sur France 2. Et en serviteur zélé, Lafarge participe à la machine de guerre nazie. Du Cap Nord aux Pyrénées, un véritable mur de béton a été construit depuis ces derniers mois. Des millions de tonnes de commandes de ciment, 8000 blocos répartis sur les côtes françaises. Le contrat du siècle pour un cimentier. Le mur de l'Atlantique était un énorme chantier, un chantier absolument colossal. Et si on lisse sur l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, notamment en France occupée, il s'agit vraisemblablement du chantier de plus grande ampleur. les bétonnières furent en action jour et nuit. Pour produire encore plus de ciment, Lafarge envoie ses cadres traiter directement avec les occupants. Grâce à ces négociations, les usines de Lafarge deviennent prioritaires pour se fournir en ouvriers, utiliser les trains de livraison et surtout, ne pas manquer de charbon. Ne pas manquer de charbon, commercer avec l'ennemi à coups de mortier. Pour Lafarge, tous les moyens sont bons pour maintenir l'activité, mais aussi assurer du travail aux ouvriers. Et du travail. Le cimentier français va en avoir encore plus après la guerre. Échappant de peu à la nationalisation pour fait de collaboration, Lafarge se lance dans la reconstruction du pays, et notamment des villes comme Brest, Caen et Le Havre, quasiment détruites par les bombardements. C'est aussi le début des Trente Glorieuses et des fameux grands ensembles. En France, on construit à tour de bras bars et tours d'immeubles, avec bien souvent du ciment, Lafarge. Destruction, reconstruction, pour certains, les soubresauts du monde ont du bon. Mais l'entreprise ne réussit pas seulement en France, non, elle s'impose à l'étranger. Lafarge fait même la fierté de la France et de ses dirigeants politiques. Ses représentants accompagnent fréquemment les délégations diplomatiques. Avec des investissements à plusieurs centaines de millions d'euros, le cimentier français peut ouvrir les portes de nombreux pays. Conquérir de nouveaux marchés dans l'ADN de toutes les multinationales, Lafarge compris. En 2007, alors que le secteur de la construction stagne un peu dans les pays occidentaux, Lafarge se tourne vers les pays émergents et plus particulièrement ceux du Maghreb, du Mashrek et du Moyen-Orient. Cette année-là, le cimentier devient le leader mondial de son secteur en rachetant le groupe égyptien Orascom Cement pour 8,8 milliards d'euros. Cette holding possède des usines dans 12 pays et notamment en Irak. Dévasté par 5 ans de guerre, l'Irak est à reconstruire. On estime le potentiel du marché à 500 milliards de dollars. En avril 2009, Lafarge inaugure la plus grande cimenterie d'Irak. Mais dans un pays encore en guerre, la sécurité est l'enjeu prioritaire pour la multinationale. Une équipe de France 3 se rend sur place. Les journalistes filment la fouille minutieuse d'un bus rempli d'ouvriers. Et des responsables de l'entreprise témoignent. On s'assure que les employés ne fassent pas entrer des armes à feu ou des couteaux. En arrivant, évidemment, Lafarge a très clairement dit que si on ne peut pas faire du business, si on ne peut pas protéger nos ressources humaines et nos biens, on ne sera pas là. Chaque jour, des sacs de ciment partent aux quatre coins de l'Irak pour la reconstruction d'habitations, d'écoles, d'hôpitaux. Dans le pays voisin, la Syrie, Lafarge se lance dans la construction d'une usine encore plus grande. Ce pays est en paix et les perspectives sont excellentes. Depuis 2008, la France et la Syrie entretiennent de bonnes relations diplomatiques, on l'a vu. Nicolas Sarkozy et François Fillon ne peuvent que se féliciter de l'inauguration de l'usine de Jalabiya en octobre 2010. L'investissement est colossal, près de 700 millions de dollars. L'usine va fournir des emplois à près de 600 personnes, locales comme expatriées, avec un objectif impressionnant, la production de 3 millions de tonnes de ciment par an, ce qui en fait la plus grande cimenterie du Moyen-Orient. Mais deux mois après l'inauguration, un événement va venir chambouler le destin de cette usine. À des milliers de kilomètres de Jalabiya, le 17 décembre 2010, un jeune vendeur de rue ambulant s'immole par le feu. Il s'appelle Mohamed Bouazizi, il est tunisien. Son suicide va déclencher ce qu'on l'appellera très vite le printemps arabe. En quelques mois seulement, c'est tout le monde arabe qui s'embrase. Dans chaque pays, le peuple descend dans la rue et réclame la chute des dictateurs. En Tunisie, le président potentat Ben Ali quitte le pouvoir le 14 janvier 2011. Un mois plus tard, c'est au tour d'Hosni Moubarak, en Égypte. Chez son voisin libyen, c'est une coalition armée internationale menée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni qui s'occupe du cas de Kadhafi qu'on retrouvera mort le 20 octobre. La Syrie n'échappe pas à ce large mouvement révolutionnaire qui fait tomber un à un des chefs d'État installés au pouvoir depuis des années. À Damas, les Assad tiennent d'une main de fer le pays depuis 40 ans. Bachar, qui a succédé à son père, Hafez, est en poste depuis 10 ans et il n'a pas du tout l'intention de partir. Alors, très vite, comme un réflexe, il réprime violemment les manifestations, c'est même un bain de sang. Le 1er décembre 2011, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme déclare la Syrie en état de guerre civile. Cette instance évoque 5000 personnes tuées et 14 000 emprisonnées par le régime syrien. Des officiers de l'armée régulière font défection et créent l'armée syrienne libre. Dans le nord du pays, autour de l'usine Lafarge, la situation est relativement calme. L'usine tourne à plein régime. C'est un balai de camions qui entre et sort de Jalabiya. Pourtant, en 2012, la situation empire et toute la communauté internationale est choquée par cette guerre civile. Total, Air Liquide et les fromageries Bel quittent le pays. Lafarge est le seul groupe français à rester sur place. Du côté du gouvernement, à Paris, l'idylle avec Bachar al-Assad est bel et bien terminée. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, prononce des mots très durs à son encontre le 17 août 2012. Les témoignages qui sont donnés par les femmes, les hommes, les enfants et les personnes que je viens de voir qui sont des Syriens d'un village qui a été bombardé juste de l'autre côté de la frontière, ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. On ne peut pas accepter que Bachar continue ses exactions. Et le régime syrien doit être abattu et rapidement. Voilà qui a le mérite d'être clair. 4 ans après avoir reçu les honneurs par la France, Bachar al-Assad est devenu l'ennemi désigné de ce même pays. Pourtant, le groupe Lafarge ne ferme pas sa cimenterie. Située quelques dizaines de kilomètres au nord de Raqqa, l'usine est au cœur d'une zone où Kurdes, rebelles et djihadistes font face. La sécurité devient de plus en plus compliquée à assurer. À la fin de l'été, tous les salariés expatriés sont exfiltrés du pays. Ne restent sur place que les employés syriens. Bruno Pécheux, directeur général de Lafarge Syrie à l'époque, explique devant des enquêteurs pourquoi le groupe n'a pas voulu fermer la cimenterie. L'émission Secret d'Info sur France Inter transcrit son audition. On ne voulait pas laisser l'usine à l'abandon, risquer qu'elle soit cannibalisée. Toutes les cimenteries publiques avaient été détruites. On pensait que quand tout serait fini, il y aurait au moins une cimenterie qui pourrait fournir du ciment pour reconstruire la Syrie. La guerre civile qui a éclaté un an seulement après l'inauguration de l'usine est évidemment problématique pour Lafarge. On n'abandonne pas comme ça un investissement de 700 millions de dollars. Et puis, après la guerre, répétons-le, il y a la paix. Et tant de chantiers à mener, synonyme de contrats de plusieurs milliards d'euros. Comme en Irak. D'autant qu'en 2012, nombreux sont ceux qui pensent que Bachar al-Assad ne tiendra pas. Alors, pour Lafarge, eh bien, il faut tenir, justement, et coûte que coûte. Et face à un dilemme, comme l'explique Christian Hérault, le directeur général adjoint du groupe à l'époque. On était dans une économie de raquettes, avec des groupes armés, alors que nous n'avions pas d'armes. Les groupes rebelles voulaient taxer ceux qui passaient par les routes, soit on acceptait le racket, soit on partait et on organisait le repli. Il n'y avait pas de solution intermédiaire. L'équipe de direction décide donc de payer les groupes armés. Pour cela, Jean-Claude Veillard et Jacob Vernes, deux responsables de la sécurité chez Lafarge, se rendent à Gaziantep en Turquie pour rencontrer les milices. En payant des bakchiches, Lafarge va s'assurer de la sécurité de l'usine, des employés, mais aussi celle des transporteurs. Le commerce peut donc continuer. Les checkpoints leur sont ouverts contre espèces sonnantes. Après la réunion à Gaziantep, le cimentier français fait appel à Firaslas, un ancien actionnaire de l'usine de Jalabiya. Cet homme d'affaires, fils de l'ex-ministre de la Défense de Bachar al-Assad, est passé dans l'opposition. C'est lui qui sera l'intermédiaire entre Lafarge et les différents groupes armés, kurdes, rebelles, djihadistes. Il dispose, pour cela, d'une enveloppe mensuelle allant de 80 000 à 100 000 dollars. De l'argent liquide qui sort de l'entreprise grâce à de fausses notes de frais. Mais parfois, cela ne suffit pas à assurer pleinement la sécurité des employés. En octobre 2012, 9 ouvriers de l'usine sont pris en otage par un groupe rebelle. Après des semaines de négociations, les salariés sont libérés contre 200 000 euros. Sur une photo prise par Jacob Vernes, avant l'échange, on peut voir les dizaines de liasses de billets rassemblées. Décidément, Lafarge est prêt à tout pour maintenir son activité. Oui, mais une nouvelle menace plane sur la région. Elle a un nom, l'État islamique en Irak et au Levant. La guerre civile se poursuit, un groupe armé monte en puissance, l'État islamique en Irak et au Levant, dit Daesh. Le 13 juin, le groupe terroriste prend le contrôle de Raqqa, à quelques dizaines de kilomètres de la cimenterie Lafarge. Jour après jour, cette organisation gagne du terrain, toujours plus de terrain. Son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, a une obsession, la création d'un État islamique à cheval sur l'Irak et la Syrie. Nouveau problème pour Lafarge. L'organisation terroriste laisse pourtant la cimenterie fonctionner moyennant argent, raquette quoi. Un ancien employé de l'usine témoigne au micro de France Inter. Les puits de pétrole étaient tous sous le contrôle de Daesh et ceux qui fournissaient le fuel, c'était des gens qui avaient des liens avec Daesh. Les voitures des employés étaient autorisées à entrer, il y avait quelques barrages sur la route, nous étions parfois arrêtés et retenus pendant une heure ou deux, mais une solution était toujours trouvée et ceux qui nous retenaient nous disaient « C'est bon, l'entreprise a répondu à nos demandes ». Quelles demandes ? De l'argent ? Autre chose ? Je ne sais pas, mais je pense que c'était de l'argent. De l'argent, Lafarge en donne pour acheter le pétrole nécessaire au fonctionnement d'usines. En Syrie, à l'époque, l'or noir est sous embargo et de nombreux puits de pétrole et raffineries sont contrôlés par l'État islamique. Lafarge aurait utilisé des intermédiaires pour se fournir du fioul, mais aussi les roches utilisées dans la fabrication du ciment. Christian Hérault, directeur général adjoint du groupe à l'époque, déclare aux enquêteurs « Lafarge Syrie a acheté le pétrole à des intermédiaires kurdes, jamais directement au régime syrien ou à Daesh. » En revanche, pour le passage des checkpoints et pour assurer la sécurité des employés, Christian Hérault confirme les pots de vin versés à Daesh. Il déclare « Daesh vient dans la liste des racketteurs, ça fait 10% des sommes. » Le racket de Daesh, c'est l'équivalent de 500 tonnes de ciment, sachant qu'on a 3 silos de 20 000 tonnes, est-ce qu'on va tout plier pour 500 tonnes ? Bruno Pécheux, le directeur de la Lafarge Syrie, explique lui aux enquêteurs la méthode utilisée pour le versement des bakchiches. Notre partenaire local, M. Tlas, discutait avec les factions rebelles et versait une obole pour que nos employés ne soient pas ennuyés aux différents points de passage. L'État islamique est-il une faction rebelle comme les autres à payer ? Je ne sais pas qui, quand ou comment, je n'ai pas de liste détaillée. Mais je me dis que si les employés sont arrivés à l'usine et rentrés chez eux en sûreté, c'est que M. Tlas a dû faire son travail. Avez-vous une idée du montant prévu pour Daesh ? De l'ordre de 20 000 dollars. Mais ça pouvait être versé à des gens à un checkpoint qui se prévalait de Daesh, sans être de Daesh. 20 000 dollars par mois, c'est le prix pour avoir la paix. Mais jusqu'à quand ? Car Daesh mène une guerre d'expansion en Syrie et en Irak. En juin 2014, ses combattants s'emparent de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Le 29 juin, le premier jour du Ramadan, l'État islamique proclame le califat. Quelques jours plus tard, un homme prend la parole dans la grande mosquée de Mossoul. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous. Cette voix, c'est celle d'Abou Bakr al-Baghdadi, le nouveau calife autoproclamé de l'État islamique. C'est sa première apparition publique. Il est à la tête d'une organisation qui exerce une influence sur un territoire grand comme un tiers de la France. À la fois en Syrie et en Irak, l'État islamique est dirigé depuis Raqqa, ville syrienne située, rappelons-le, non loin de l'usine de Jalabiya. La cimenterie, elle, se retrouve sur la ligne de front entre les Kurdes et les djihadistes de l'État islamique, mauvaise pioche. La situation devient incontrôlable pour les salariés de l'usine, qui sont logés à plusieurs dizaines de kilomètres de leur lieu de travail et qui empruntent des routes où les combats font rage. Le nouveau responsable sûreté de l'usine, qui a remplacé Jacob Vermes, est un ancien des forces spéciales jordaniennes. Il est catastrophé par la situation. Il envoie plusieurs mails à son DRH local. L'émission Secret d'Info de France Inter retranscrit ces échanges. La situation autour de l'usine a empiré. Un camion suicide a explosé à 10 km de l'usine. Le parti kurde a établi de sérieuses mesures de sécurité et a fermé certaines routes. 8 hommes viennent d'arriver et exigent l'évacuation immédiate de l'usine. Malgré cette situation chaotique et si dangereuse pour les ouvriers, les dirigeants de la Farge ne ferment pas l'usine. Ils conseillent aux salariés de dormir sur place. Le 27 juillet 2014, la cimenterie est contrainte de stopper son activité. Pourtant, 5 semaines après l'arrêt de l'usine, l'activité est relancée le 9 septembre. Entre-temps, la Farge aurait obtenu un laissez-passer officiel de l'État islamique pour que les transporteurs puissent circuler librement. Les enquêteurs présentent ce document au PDG de l'époque, Bruno Lafont. Secret d'Info recrée la scène. Nous vous présentons un laissez-passer signé par Daesh. Au nom d'Allah le Miséricordieux, les frères Moudjahidine sont priés de laisser passer au barrage ce véhicule transportant du ciment de l'usine Lafarge, après accord avec l'entreprise pour le commerce de cette matière. Que pouvez-vous nous dire de ce laissez-passer de l'État islamique ? Si ça existait, ça n'a pas existé longtemps. Mais je n'étais pas au courant de ça. Il est vrai que si ce laissez-passer a réellement existé, il n'a pas dû être utilisé longtemps. Car un événement va bouleverser l'histoire de l'usine de Jalabiya. Le 18 septembre 2014, 10 jours après la relance de la cimenterie, un employé est informé d'une attaque imminente de l'État islamique. Le directeur de l'usine envoie des consignes par mail. Préparez des matelas, de la nourriture, de l'eau, du sucre dans les tunnels techniques de l'usine. Si les affrontements éclatent, déplacez les équipes dans les tunnels et attendez. Des consignes assez sommaires qui ne rassurent pas la trentaine d'employés bloqués sur le site. Quelques heures après, les combattants de l'État islamique débarquent. Le plan d'évacuation ne fonctionne pas. Les employés doivent se débrouiller pour s'enfuir, comme l'explique Faisal au micro de France Inter. En réalité, il n'y avait pas de plan, pas de message. Ils ont envoyé des mails pour dire que les salariés devraient se cacher dans les tunnels de câblage. Le vendredi 19 septembre, l'État islamique a aussi attaqué Kobané. Nous avons fui vers la Turquie. Nous avons garé nos voitures devant la frontière, pris nos sacs à dos et on s'est retourné pour voir l'usine. Et des flammes sortaient de l'usine. Malgré les flammes observées par cet employé, l'usine n'a pas été détruite par l'État islamique. Non, l'organisation en a profité pour s'emparer du ciment qui restait dans les silos. Daesh a également capturé 4 employés retenus pendant 10 jours. 2 d'entre eux, des chrétiens, sont contraints de se convertir à l'islam avant d'être relâchés. 2 jours après l'attaque de l'usine, un employé furieux écrit au directeur de la cimenterie « Qui a abandonné plus de 30 de nos braves employés 1 heure avant l'attaque de l'État islamique et l'explosion du réservoir de pétrole ?» Pourtant, du côté de la direction, on se félicite du succès de l'évacuation. Bruno Lafont, le PDG du groupe, écrit dans un mail à ses collaborateurs « Les choses ne se sont probablement pas déroulées telles que nous les avions planifiées, néanmoins. » Nous avons atteint le but principal, la Farge Ciment Syria n'est pas morte. En juillet 2015, le groupe Lafarge fusionne avec le Suisse Holcim. Avec un chiffre d'affaires combiné de 27 milliards d'euros, le nouveau groupe est implanté dans 90 pays et emploie 115 000 personnes. Et personne n'a eu vent de l'histoire des bakchichs en Syrie. L'affaire Lafarge a été révélée par le quotidien Le Monde en juin 2016. Dans la foulée, Bercy a porté plainte contre les cimentiers ainsi que l'ONG Sherpa, une association qui protège et défend les populations victimes de crimes économiques. En juin 2017, une information judiciaire est ouverte. 8 anciens dirigeants et cadres de Lafarge sont mis en examen. Le 28 juin dernier, les juges prennent une décision historique. La société Lafarge est mise en examen en tant que personne morale pour financement d'entreprises terroristes, mise en danger d'autrui, violation d'un embargo et, la décision historique est là, inédite pour une multinationale, complicité de crimes contre l'humanité. Comme un jour où ils vont faire, comme un jour où vont faire faire, comme un jour où ils vont se faire battre ciment. Comme un matin en béton où je me réveille à tâtons, qu'est-ce que tu fabriques, me demande-t-on, battre ciment. J'remplis doucement mes alvéoles, je suis mon propre maçon. Franchement, quand j'en ai ras-le-bol, plâtre et ciment. Encore un jour où toi partir, encore un jour où moi partir, encore un jour à reconstruire, plâtre et ciment. J'emplis doucement mes alvéoles, je suis mon propre maçon. Franchement, quand j'en ai ras-le-bol, plâtre et ciment. Puisqu'il faut déménager, déménageons et construisons cette carapace de tortue qui me change en statue et qui me tue. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Lafarge avec deux invités. Ismaël Alissat, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous avez couvert cette affaire pour Libération, le journal Libération, notre partenaire une fois par mois. Et Benoît Colomba, bonjour Benoît. Bonjour. Journaliste au sein de la cellule investigation de Radio France. Vous avez consacré un épisode de l'émission Secret d'Info à cette affaire Lafarge. Alors c'est vrai que nous avons, nous, Secret d'Info et Affaires Sensibles, de façon un peu différente de voir les choses. Vous êtes une émission d'investigation avec... vous êtes amené à faire des révélations parfois, ce qui n'est pas le cas à l'affaire sensible, qui est une émission d'histoire qui pose les faits, qui essaie de réfléchir, voire de trouver les résonances et de décoder. Voilà, donc tout cela est complémentaire. Benoît Colomba, quand cette affaire a éclaté avec Le Monde hein, au départ, en 2016, quand même, on nous disait, voilà, une entreprise française, en l'occurrence Lafarge, aurait fait des affaires avec Daesh. C'est quand même extrêmement choquant, c'est quand même une information qui secoue. Quelles ont été les réactions au départ quand on... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est il y a eu un enchaînement de faits, vous l'avez dit, c'est le journal Le Monde, un article du journal Le Monde qui a été, on va dire, le déclencheur médiatique de cette affaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'origine, il y a eu un signalement qui a été fait par Bercy, donc le ministère des Finances, un signalement pour une présomption de contournement de l'embargo, puisque il faut bien comprendre qu'à l'époque, il était tout à fait évidemment interdit d'acheter des matières premières, de faire du commerce avec des groupes djihadistes. Il y avait un premier embargo de l'Union européenne qui avait été décidé en 2012, au début de la guerre civile, et puis en 2014 des Nations Unies. Et donc, il y a eu ce signalement. La justice française s'est saisie. Il y a eu une enquête préliminaire, puis ensuite une association Sherpa, donc qui a relayé les plaintes plaintes de salariés syriens qui se sont sentis littéralement abandonnés dans cette affaire. Donc, Sherpa qui a déposé plainte avec d'autres ONG. Et puis, en 2017, trois juges qui ont été désignés, donc une ouverture d'une information judiciaire. Et c'est assez exceptionnel. Deux juges financiers, du pôle financier, et un juge du pôle antiterroriste. Donc, c'est vraiment une affaire hors norme. Oui. Et sur le fait qu'il y a eu un scepticisme de la part des autorités quand ils ont eu connaissance de cette affaire, c'est notamment qu'il y a eu un travail parlementaire qui a été mené sur l'État islamique. Et à cette époque, en 2016, ils n'y croient pas trop. Ils ne donnent pas trop d'importance aux révélations sur cette affaire. Non seulement ils n'y croient pas, mais ils dédouanent vraiment la société Lafarge, c'était une mission d'information parlementaire, de toute responsabilité dans cette affaire. Bon, alors, et ça finit par mise en examen, notamment pour complicité de crimes contre l'humanité. On y va d'accord, c'est totalement historique, Benoît Colomba, c'est inédit. Oui, enfin, c'est une première, effectivement, à ce niveau-là. Et ce qui est assez incroyable dans cette affaire, c'est que il y a plein de niveaux dans cette affaire. Il y a le niveau, effectivement, qui concerne la connaissance que pouvait avoir l'entreprise de la situation sur place. Et on voit qu'il y a énormément d'éléments, énormément de signaux d'alerte qui sont remontés jusqu'en haut de la chaîne hiérarchique. Il y a aussi un aspect géostratégique, parce que on y reviendra sans doute, mais cette usine, elle était située dans un endroit absolument stratégique à ce moment-là, donc elle pouvait intéresser beaucoup de monde, et puis évidemment, il y a un enjeu financier. Bon, ben, continuons sur, je vous donne la parole tout de suite à Ismaël, mais continuons sur cette implantation de l'usine à cet endroit précis. On le dit, à un moment, elle est sur la ligne de front. Elle est en plein milieu du territoire de Daesh, qui est à la fois sur la Syrie et sur l'Irak. Donc, quel jeu se met en place, là, Ce qui est frappant, c'est que finalement, dès le début, l'entreprise a bien conscience qu'il y a un danger. On l'a entendu, il y a des hauts responsables qui parlent d'une économie de raquettes. Ça veut dire que dès 2012, tout ça est parfaitement connu, à tel point que les salariés expatriés quittent la zone et vont dans les pays frontaliers uniquement. Ce sont les Syriens qui restent sur place. Et à partir de 2013, il y a une montée en puissance des groupes djihadistes. Alors, effectivement, il y a une nébuleuse, il y a le front Al-Nusra Al-Qaïda, il y a l'armée syrienne libre, il y a ce qui va devenir Daesh, il y a les Kurdes, donc toutes ces nébuleuses-là. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que cette économie de raquettes, elle s'organise, c'est-à-dire qu'il va y avoir un budget bakchich, il va y avoir des correspondants, il va y avoir une organisation financière qui va se mettre en place au sein de l'entreprise. Ismaël Alissat, Benoît parle de plusieurs groupes, alors nous on focalise sur Daesh, pas parce que Daesh quoi, mais est-ce que Daesh a tenu une place prépondérante parmi ces groupes-là? Est-ce que c'est Daesh qui tenait vraiment l'usine Lafarge en respect? Ou d'autres groupes? Est-ce que Daesh était plus important que d'autres groupes dans cette affaire-là? Alors, il y a plusieurs périodes. Il y a déjà une première période à partir de 2012 jusqu'en 2013, où en fait, il y a une multitude de groupes armés, pas forcément terroristes, qui vont toucher des sommes d'argent pour laisser passer les camions, pour laisser passer les employés. Et après, il va y avoir la montée en puissance en Syrie de l'État islamique. Et à partir de là, ils vont prendre de plus en plus d'importance dans les négociations avec Lafarge. Et notamment en 2014, là, on voit que c'est des relations qui deviennent très structurées. Il y a ce qu'on pourrait appeler un vrai deal qui est passé. Et là, ils sont au cœur du jeu, jusqu'à même la prise de l'usine en septembre 2014. On connaît la géographie, la géographie finalement des flux financiers. On le sait parce qu'il y a eu un rapport d'audit qui a été commandé à un cabinet d'affaires américain, Baker McKenzie. Et en gros, il y a trois types de flux. On peut couper ça en trois. Il y a 15 millions de dollars. Il y a un tiers pour les bakchiches, le passage justement à la frontière, un tiers pour payer les intermédiaires qui servent à tout cela, et puis un tiers de l'argent pour acheter tout ce qui constitue les matières premières pour fabriquer le ciment et peut-être aussi du pétrole. Alors les intermédiaires, qui sont-ils? C'est commode les intermédiaires, parce que l'un des dirigeants de Lafarge disait dans le récit, non, pas Daesh directement, c'était des intermédiaires. On savait que c'était Daesh. Qui sont ces intermédiaires? Alors il y en a notamment un qui va être le principal, qui s'appelle Firas Tla, c'est un ancien proche du régime syrien qui va passer dans l'opposition, et c'est lui qui va structurer, qui va organiser, qui va parler avec les groupes armés. Et après, il y a une multitude de petits intermédiaires qui vont avoir un rôle plus mineur. Mais voilà, le principal, c'est Firas Tla. Lui, il a jamais été entendu par la justice française. Il est à l'étranger, et c'est un des nœuds de l'enquête. C'est peut-être un jour réussir à mettre la main sur lui. Et la personnalité de Firas Tla, à elle-même, elle symbolise toute l'ambiguïté finalement de l'attitude, je trouve, de Lafarge dans cette affaire. Fir, parce que Fir Atlas, ce n'est pas n'importe qui. L'Atlas, c'est un nom en Syrie. C'est le fils d'un ancien ministre de la Défense de Hafez al-Assad. Son frère a également été très proche de Bachar al-Assad avant de faire défection à partir de 2012. Et ce Fir Atlas, il est d'une certaine façon présent à l'intérieur de l'usine parce qu'il est actionnaire minoritaire à hauteur de 1,33%. Et à partir du moment où il va, à un moment, de manière stratégique, passer de l'autre côté et prendre ses distances avec le régime syrien, c'est le régime syrien qui met un pied dans l'usine et qui devient actionnaire donc il reprend les parts finalement de ce Fir Atlas qui lui continue à servir d'intermédiaire pour faire fonctionner l'usine. Et par ailleurs, on voit qu'il y a une volonté de dissimulation un peu de cette relation par la Farge parce que ils vont pas payer Fir Atlas directement, ils vont le payer sur une société, sur un compte d'une société étrangère et dans leur compte de la société La Farge en Syrie, ils vont inscrire ça comme des notes de frais du directeur. Absolument. Alors, la motivation pour rester dans des conditions pareilles, elle peut paraître étrange. On peut se dire, quelle idée leur prend de rester dans cette zone de conflit, d'être obligé de faire ce que vous appelez une économie de bakchich. La motivation principale, c'est de dire qu'après la destruction, il y a la construction d'énormes marchés à prendre et qu'il faut être là avant que le train arrive. C'est la meilleure façon de monter dans le train quand on va reconstruire la Syrie. C'est ça le plan, Benoît Colomba? C'est une question effectivement qu'on se pose. Certains le disent clairement. En restant sur place, on sera les premiers pour ensuite reconstruire. Sauf que ça devient un engrenage. Au bout d'un moment, ils sont prisonniers volontaires du système dans lequel ils ont accepté de se placer. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que le ciment, c'est un marché très local et que ça s'exporte très mal. Donc pour être là, pour reconstruire le pays, pour pouvoir fournir du ciment pour reconstruire le pays, il faut garder cette usine ouverte. C'est la seule façon d'être là quand ça redémarre. Il y a un responsable de la Farge qui a cette expression quand il raconte les discussions qu'il peut avoir avec les autorités françaises. Il dit, la Farge, c'est le drapeau français. On nous dit, c'est le drapeau français qu'on laisse planter pendant la guerre. Oui, puisque c'est le numéro 1, en plus, numéro 1 mondial, enfin, depuis la fusion avec les Suisses, le rapprochement avec les Suisses, numéro 1 mondial, mais ça a toujours été le numéro 1 mondial du ciment. Donc, c'est pas qu'une entreprise française, effectivement, c'est un fleuron de l'industrie française. On va écouter une archive ensemble. Marie Dauzé, avocate de l'ONG Sherpa. On rappelle, Sherpa, la vocation de Sherpa, je l'ai dit très rapidement, d'aider les victimes de ce qu'on appelle les crimes économiques, c'est ça, globalement. Ils poursuivent les multinationales, notamment pour un de leurs combats, c'est les activités à l'étranger des multinationales. Et c'est le cas en l'occurrence, et c'est des procédures qui sont très complexes, parce que la justice a du mal à poursuivre ce genre de faits. Alors donc, on va écouter Marie Dauzé, avocate de l'ONG Sherpa, qui évoque les sommes d'argent versées à l'État islamique, ce qui voudrait dire un possible financement de terrorisme. Daesh n'a pas un compte bancaire ouvert à son nom, avec des virements de la Farge jusqu'au compte bancaire de Daesh. Mais il y a assurément des éléments qui établissent qu'il y a un financement direct et indirect de la Farge à Daesh. Et c'est près de 13 millions d'euros qui ont été versés à des intermédiaires pour permettre à la Farge de poursuivre son activité. L'attentat de novembre 2015, quand on discute avec un magistrat instructeur à la galerie Saint-Éloi, donc un magistrat antiterroriste, il a coûté environ 100 000 euros. Entre les locations d'appartements, les achats des armes, les allers-retours, il a coûté environ 100 000 euros. On est ici à 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. Donc, qui peut nous dire, qui peut nous assurer que cet argent n'a pas servi à financer un attentat en France ? Bon, la parole est grave, mais la question est légitime. Hein ? La parole est grave, quand même. Oui, la question est légitime. Et d'ailleurs, elle est évidemment prise au sérieux par les magistrats. Un indice de cela, l'un des juges d'instruction, en l'occurrence Charlotte Bilger, lorsqu'elle a demandé la détention préventive de l'ancien PDG de la Farge, Bruno Lafont, dans sa demande, donc finalement cette demande a été rejetée, mais elle met en avant le fait que ces financements sont susceptibles d'avoir eu là comme conséquence des violences, des attentats sur place, mais aussi à l'étranger, y compris en France. Le fait que la magistrate écrive noir sur blanc, y compris en France, ça montre bien évidemment que cette hypothèse-là est prise au sérieux. Et puis, c'est un autre élément qui a été révélé justement par Libération et par Ismaël. Il y a le fait qu'on retrouve dans cette histoire, c'est assez troublant, un personnage très important du groupe État islamique et qui aurait eu des contacts avec l'un des intermédiaires de la Farge après septembre 2014. Ismaël. Donc, Benoît parle de Abou Lokman, c'est un personnage assez mystérieux de l'organisation terroriste. C'est quelqu'un qui a été, par exemple, émir de Raqqa, qui va monter dans la hiérarchie au fur et à mesure et qui est soupçonné par la France et les magistrats français du pôle antiterroriste d'être l'un des concepteurs ou d'avoir participé à la vague d'attentats qu'a connue la France. Et effectivement, quand l'usine est prise, on voit qu'à ce moment-là, Lafarge essaye quand même de garder pied et d'être toujours en mesure de pouvoir revenir si un jour elle est libérée. Il continue à avoir des contacts et il y a notamment un intermédiaire sur le terrain qui va donner des nouvelles de l'usine qui prétend avoir eu des relations avec Abou Lokman, avoir eu une réunion avec lui pour voir comment l'usine pouvait repartir et comment Lafarge pouvait jouer un rôle là-dedans. Et, puisqu'on parle des protagonistes, parlons de Jean-Claude Veillard, vous voyez bien, l'un des responsables sûreté de Lafarge, qui aurait rencontré à plusieurs reprises, voire de nombreuses reprises, des services de renseignement, Benoît. Oui, bah, c'est-à-dire que il a un profil qui, pour les enquêteurs, signifie qu'il connaît parfaitement les services de renseignement. C'est un ancien des commandos marines, qui est passé par les forces spéciales, et donc lui-même explique sur procès-verbal qu'il était en liaison permanente avec tous les services, hein, ça veut dire les services intérieurs, de renseignement intérieur, les services extérieurs, la DGSE, la direction du renseignement militaire, et qu'il rendait compte. Et de fait, on trouve des traces de notes, de contacts qu'il y a eu entre le représentant de la sécurité de Lafarge et les services français. Et Jacob Barnes, qu'on a brièvement évoqué dans le récit, c'est lui hein, qui aurait payé la rançon lorsque des salariés syriens ont été enlevés, puis libérés contre 200 000 euros. Son rôle est important ? Son rôle est important dans une première partie de l'histoire, parce qu'il va quitter la Syrie en octobre 2013. Mais c'est lui effectivement qui est donc responsable sûreté en Syrie. C'est lui qui a les premières relations avec les groupes armés. Et c'est lui qui va être un peu chargé sur le terrain, pensent les magistrats, de mettre en place les liaisons financières et voilà, il fait un peu la tournée des différents groupes pour se présenter, pour mettre en place le système. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que toutes ces informations qui remontent, et ça c'est documenté par la procédure judiciaire, elles remontent et elles sont analysées dans des réunions qui s'appellent des comités de sûreté. C'est-à-dire que chaque mois, au sein de Lafarge, il y a des réunions où tout le monde se met autour de la table, y compris les responsables du service juridique, où ces informations sur la sécurité, sur ce qui se passe sur place, sont discutées. Alors, le PDG, l'ancien PDG de Lafarge, Bruno Lafont, lui, nie avoir eu connaissance de toutes ces informations. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent que finalement il y a une synthèse de ces réunions de comité de sûreté qui lui était amenée et remise en main propre. Et lui affirme, donc l'ancien PDG de Lafarge, qu'il n'aurait été prévenu véritablement de la situation critique sur place qu'en août 2014, c'est-à-dire un mois finalement avant l'envahissement et la capture de l'usine. D'un point de vue judiciaire, ce qui tomberait sous la coupe de complicité de crimes contre l'humanité, ce serait la preuve qu'effectivement Daesh a reçu de l'argent direct. Exactement, sachant ce que Daesh a fait après, et notamment en France. C'est cet acte-là qui tomberait sous le coup, j'imagine, de complicité de crimes contre l'humanité. C'est le fait que l'activité de Lafarge en Syrie a pu contribuer à la réussite, en quelque sorte, des actes terribles de l'État islamique. C'est-à-dire que le fait que Lafarge ait commercé avec l'État islamique, ça leur a permis de commettre un certain nombre d'actes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Et on parlait tout à l'heure donc de ce au représentant du groupe État islamique, Abou Rakhman. On voit quand même que il y a des échanges, notamment des mails qui montrent que après septembre 2014, donc au moment où Daesh prend l'usine, il y a ces plus de 600 000 tonnes de ciment qu'il faut essayer d'écouler. On voit qu'il y a des intermédiaires qui agissent, qui font remonter ces informations à Lafarge pour savoir qu'est-ce qu'on fait. On nous demande de savoir si on peut être distributeur, si on peut être dans la boucle d'une certaine façon. Alors tout ça demande encore à être enquêté, ça fait partie encore des pistes sur lesquelles travaillent les juges d'instruction, mais effectivement ce sont des soupçons qui sont très lourds. Ce dont parle Benoît, c'est notamment le fait que les magistrats se demandent si à un moment Lafarge n'a pas pu, parmi les flux financiers qui ont lié éventuellement Lafarge à l'État islamique, vendre du ciment à l'État islamique tout simplement. Et que parce qu'il y a des mails après la prise de l'usine où on voit que celui qui va remplacer Jacob Vernès sur le terrain fait remonter le fait que l'État islamique là est en recherche de ciment. Il parle de 150 000 tonnes une fois. D'ailleurs, ils font main basse sur les silos. Alors, ils ont pris 60 000 tonnes au moment de la prise de l'usine, mais visiblement, ils continuaient à en chercher après. Est-ce qu'il y avait à l'époque dans la même région, on dit sur le territoire de contrôlé par Daesh, d'autres multinationales implantées qui auraient pu avoir le même comportement que la Farge ou c'était non, vraiment... c'est justement la spécificité vraiment de cette affaire. Toutes les grosses entreprises, comme effectivement les fromageries Belle ou l'entreprise Total, mais vraiment, vous avez cité parti, tout quoi. À l'heure, c'est tout ça. Le monde vraiment s'en va et donc vraiment Lafarge est le dernier sur place et c'est pour ça que je parlais de un peu de jeu de dupes tout à l'heure. Finalement, ça arrange pas mal de monde aussi parce que je disais tout à l'heure qu'il y a le pouvoir syrien qui a un pied toujours dans l'usine. L'usine paye des taxes, continue à payer des taxes. L'usine continue pour les raisons qu'on a expliquées à essayer de rester sur place. Il y a aussi l'attitude de la France, des services français. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a plus de relations officielles avec le régime de Damas. On entendait Laurent Fabius tout à l'heure. C'est clair. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que du point de vue des services, il y a peut-être aussi un intérêt pour continuer à avoir des informations sur place. Et là encore, on voit qu'il y a des informations qui remontent. On sait qu'il y a des réunions aussi avec des diplomates français. Alors, c'est nié par ces mêmes diplomates, mais il y a des responsables de la filiale syrienne de la Farge sur place, qui font état de rencontres, notamment à l'été 2012 avec l'ambassadeur de France en Syrie. En 2014, là, il y a des notes, en septembre 2014, juste avant et juste après l'envahissement de l'usine, on sait qu'il y a le représentant de l'ambassade de France en Jordanie qui reçoit des représentants de la Farge. Et d'ailleurs, il n'est pas extrêmement serein. Il parle de jeu d'équilibriste en qualifiant l'attitude de la Farge en disant, entre le pouvoir syrien, entre les Kurdes, entre les djihadistes, l'entreprise se met dans une véritable situation d'équilibriste. Alors justement, on va parler de l'État syrien. On va écouter un témoignage que vous avez recueilli pour Secret d'Info. Alain Juillet, vous vous souvenez, ancien cadre du renseignement français, qui parle du possible rôle de l'État syrien, pour le coup, on va se focaliser là-dessus, qui aurait pu laisser faire la Farge. La Syrie, on le rappelle, percevait des taxes, des impôts sur les ventes de ciment. Et ça permettait de maintenir une activité économique. Que le gouvernement syrien ait jugé qu'il était intéressant de laisser l'usine continuer et qu'il savait pertinemment et pour cause qu'il y avait de l'argent qui était de l'autre côté, ça, alors là, ça serait pas du tout étonnant parce qu'ils en ont fait d'autres. Peut-être que, effectivement, les Syriens, eux, avaient intérêt à ce que ça continue parce qu'il y avait de la production de ciment et que ça utilisait des gens. Bon. Et que dans ce cadre-là, ils ont fermé les yeux sur les distributions d'argent. Ismaël Lissat, qu'est-ce que ça vous inspire? Rien que vous ne connaissez pas, mais... Tout à fait. Non, mais c'est le rôle de l'État syrien, pour l'instant, en procédure judiciaire, il n'est pas tellement documenté, parce que c'est un peu une boîte noire et il est compliqué pour les magistrats d'aller enquêter en Syrie. Mais effectivement, déjà, l'État syrien est devenu actionnaire de l'usine à un moment quand ils saisissent les avoirs de Firaslas. Mais après, c'est quand même dur à dire la visibilité qu'ils avaient sur l'usine parce qu'elle est dans une zone qui n'était pas contrôlée par le régime. Eux, ils étaient au niveau du siège qui était à Damas. Mais on sait pas très bien quand la guerre se poursuit, quand les zones sont prises au fur et à mesure par les rebelles de l'armée syrienne libre, par l'État islamique. Ils ont plus, ils savent pas tellement ce qui se passe dans l'usine, a priori. Ça, c'est au sein de l'usine. Et puis, il y a aussi un autre acteur dont on n'a pas parlé, mais qui est multiple. Ce sont les actionnaires de la Farge. Et là aussi, l'enquête continue parce que je pense notamment au groupe Bruxelles-Lambert, qui est l'actionnaire majoritaire chez la Farge. On a pu voir, notamment par des écoutes téléphoniques de l'ancien PDG, que lui-même disait lors de conversations avec ses communicants qu'il avait bien conscience que les actionnaires craignaient qu'il balance, finalement, qu'il dise des choses. Voilà, là aussi il y a des intérêts économiques quand même qui sont assez intéressants. Que savait cet actionnariat? Donc il y a un enjeu économique très fort. Il faut aussi dire que la Farge, c'est pas n'importe quelle entreprise, elle fait vraiment partie du gotha des affaires. Au sein de son conseil d'administration, il y a les anciens responsables de BNP Paribas, de Michelin. Ils ont en 2016, ils avaient 820 millions d'euros de dividendes, de plus de 3 milliards entre 2009 et 2016. Donc je veux dire que derrière, il y a aussi des intérêts économiques et financiers très puissants. Dernière question concernant le calendrier judiciaire, comment ça va se passer avant le procès? Qu'est-ce qu'on peut attendre du calendrier judiciaire dans cette affaire-là? Ce qui a été annoncé aux différentes parties dans l'instruction, ça serait une fin de l'enquête des investigations en début d'année 2019, mais c'est pas sûr que ce calendrier soit tenu. Il y a encore pas mal de zones d'ombre. Finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été documentées par les enquêteurs, mais il y a encore quelques zones d'ombre sur lesquelles il faut encore travailler. Et elles subsisteront peut-être après l'enquête. Après, les principales, on finira là-dessus, les principales zones d'ombre, Benoît ou... Jusqu'où remontait l'information véritablement, que savait l'État français et qu'est-ce qui a pu être financé précisément par rapport à des actions de terrorisme. Et au sein de la Farge aussi, jusqu'où remontait l'information et notamment, est-ce que ça remontait jusqu'au PDG Bruno Lafont? On connaît le temps de la justice, hein, c'est un temps long, j'imagine que celui-là sera long vu la complexité du dossier. On verra, mais on rappelle quand même la mise en examen pour financement d'entreprises terroristes, mise en danger d'autrui, violation d'un embargo, et bien sûr cette décision historique, complicité de crimes contre l'humanité. Merci infiniment Ismaël Alissat, merci Benoît Colomba pour toutes ces informations que vous avez pu nous apporter, vos compléments et la lumière de vos enquêtes. Merci messieurs. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lafarge en Syrie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toutes les informations complémentaires à notre émission. Et merci à Patrick Henry qui était à la technique aujourd'hui.